Aval, aval, signor, aval. Calmez-vous, Nagui. Bonjour les amis. Non. Bonjour. je suis pas son ami. Non, okay, rhétorique, finalement. Alors comme chaque vendredi midi, je m'apprêtais à dépiauter uniquement les sujets les plus marginaux. La technique est mille louis, comme on dit chez les initiés. Quand tout d'un coup, je me dis non d'un petit chromosome en moins, Nagui a raison. Il va quand même falloir que je le pousse un jour, ce coup de gueule. C'est vrai, à force de pérorer sur le sens de la vie, j'oublie parfois de pousser un bon coup de gueule. Grande coutume de France avec la chasse au perdreau et l'accident sous alcool. C'est ce que m'a dit Nagui dans les 12 secondes d'audience qu'il a pris l'habitude de m'accorder. Grand seigneur, quand même. Il m'a dit, à propos de mes billets, il m'a dit « Arrête de nous casser les oignons avec tes ambitions philosophiques. » Je dis ça pour toi parce que les gens commencent expressément à demander que tu meurs. pas juste que tu quittes l'émission ou que tu quittes France Inter. Non, depuis quelques jours, ils veulent vraiment que tu décèdes. Le seul truc qui les divise, c'est de savoir si ça doit se faire en direct sur Facebook Live ou sur Periscope. Mais sur le principe, il y a convergence. Pourquoi tu fais pas comme Daniel Morin, pousse un bon coup de gueule, me dit-il. Ouais. Tu peux même être drôle. Lui, c'est parce qu'il préfère comme ça, mais toi, ta carte blanche. Là, je lui réponds, non, je sais pas trop quoi faire. C'est complexe, l'actualité, vous savez, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu pour prendre des positions vraiment tranchées. Là, il me dit, ferme ta gueule. J'avais pas fini de dire. Oui, Nagui, il est quand même fort irritable entre 7h et 23h30. Il me dit, tu coupes trop les cheveux en quatre, ça fatigue tout le monde. Richard Lornac s'est endormi deux fois pendant tes chroniques. Il s'est réveillé avec la marque des touches de son clavier sur la tronche. C'est pas une vie. Pourquoi tu ne fais pas le coup du Belge à Paris? Raconte-nous ça. Évident. C'est brutal, Paris, j'imagine, quand on vient de l'arrière-cour de la civilisation. Là, je dis, bah non, la Belgique, quand même, si je peux intervenir, on a inventé la moule et tout. Ah, il me dit, ferme ta gueule, j'ai pas fini de dire. Si tu m'interromps encore une fois, je te blacklist et tu feras jamais ta ratata. Alors, intérieurement, je me dis, ça, je m'en fous, hein, parce qu'en vérité, etc. Là, il me dit, je t'avais prévenu. Tu peux te brosser pour ton duo avec Yannick Noah. Et laisse-moi finir maintenant. Fais-nous un truc juteux. Fais un tour. J'ai pas un coup de gueule sur les Parisiens qui sont méchants ou sur le fait que ça pue dans le métro. Enfin, je sais pas n'importe quoi, mais fais-nous quelque chose de plus immédiat, un truc qui parle aux gens, merde. Alors, exceptionnellement, j'ai décidé de pousser un bon coup de gueule, sans concession. Je trouve que ça pue dans le métro à Paris, quoi. Ouais. Pas tout le temps. Pas tout le temps, j'ai l'impression. D'autant que moi, je le prends peu aux heures de pointe, donc je suis vraiment peu confronté au phénomène au jour le jour. Mais enfin, c'est vrai, il y a parfois des gens, ils puent, tu te dis, c'est parce qu'ils n'ont pas de savon. Ouais, c'est bien. Il y a plein de gens, ils te disent franchement et tout. Non mais, je crois qu'en fait, ça vaut pour tous les transports en commun, en général, bus, tramway, RER, TGV. C'est pas forcément lié à Paris ou à une capitale européenne en particulier. Je crois que c'est plutôt lié au confinement, parce que par-delà, il y a des tas de gens qui puent aussi dans des véhicules privés ou alors dans le cadre d'une activité à domicile. Mais c'est vrai, parfois, t'es confronté au stress, t'as un pic de sudation, c'est l'escalade, t'agresses pas les gens pour le plaisir. Et puis l'hygiène, coûte que coûte, c'est juste une tyrannie de l'époque. Je rappelle que Louis XIV, c'était pas le dernier pour construire des châteaux de Versailles, mais que s'il devait prendre le métro aujourd'hui, les gens se diraient, oh, encore un mec qui pue. En plus, il est habillé chelou. Donc je dis, méfions-nous quand même des conclusions hâtives et des jugements à l'emporte-pièce. Souvent, le fait de prendre un cas particulier pour le généraliser, ça sert uniquement à instrumentaliser ces généralisations à des fins idéologiques. Il y a des campagnes entières qui... Putain, je suis désolé, je suis nul en coup de gueule, je suis vraiment désolé. Je sais pas comment vous faites, Daniel. Bon, ben, dès la semaine prochaine, je reprends le reste de l'actu et j'essaie de garder Richard éveillé. Au moins, la bonne émission. Guillaume Bogouin, bravo. La bande originale avec Maggie.